fatigué, tu crois tout ce qu'on dit. Et pour la daronne, ouais, tu sais tout ce qu'on tire. Heureusement qu'il y a des failles, sinon on serait tous bandits. T'as vu la team en boîte, y'a personne qui est anti. Ici, tu sais plus qui est qui, les petits pour rien, tout sort un couteau. Elle connaît du guitar par cœur, soit disant elle m'a jamais écouté. J'ai plus vu un poteau, pourtant on était collé comme deux couteaux. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, ça m'a dégoûté. T'as vu leur tige, ça me tue un petit feu. Fais tout seul ton chemin, tes idées sont créatives. J'ai la sacoche et le survêt. Je vais pas laisser tomber, ils vont couler.